l'émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Indila. Et c'est déjà la dernière de la semaine, Indila. Oui, ça passe très vite. Hein. Comme le temps passe vite, en ta compagnie avec Mini World, l'album qui va être édité dans une grosse semaine maintenant, le 17 novembre. Oui. On peut le précommander, cet album. On a pu découvrir hier des morceaux. Ouais. Ce soir, on va aller encore un peu plus loin. Il y aura des bouts d'extraits un peu plus longs. Voilà, des petites rallonges. Notamment pour un des deux. Pascal Povich. Exactement. Ça va, Pascal? Super, un petit peu fatigué là. Ah, la semaine. Ah ouais, là on était sur la fin du montage du clip de Lost Story. Ah oui, qui arrive aussi le 17. Ouais. Qui arrive le 17 et on a hâte de le faire découvrir aux Dreamers. Et bah les images arrivent le 17 novembre, soyez un petit peu patients, tout comme la réédition de l'album. Ce soir, du live de prévu, Indila. Qu'est-ce qui se passe ce soir pour cette dernière? Oui, on va rechanter encore une chanson de l'album avant de se quitter. Très bien. On écoutera des extraits également. Donc je pense que c'est. Exactement. Un extrait pour Fred. Très bien. Une petite rallonge. Mais tu m'avais promis la chorale. Exactement. Hier, on a parlé d'une chorale, on vous explique tout ça dans un instant, ne bougez pas. Et juste avant, on va se faire le replay de la semaine. Allez. La semaine d'Indila concentrée, ça donne ça. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle semaine entre 20 et 21 et on est content de la retrouver. Après avoir débuté l'année 2014 avec toi, c'était au mois de février 2014. Exactement. Tu viens un petit peu conclure cette année qui a été une année magique. C'est vrai que c'est très nouveau. Alors avant d'en arriver là, comme j'ai déjà travaillé en studio, notamment avec Skalpovic. Qu'on salue, qui est là, Skalp. Hello. Monsieur Skalpovic est là parmi nous. On est un binôme musical qu'on protège énormément parce qu'on adore faire de la musique ensemble et qu'on voit les choses de la même manière. Donc la réédition, c'est toujours le même état d'esprit. On avance, on rêve et on invite tous les dreamers à écouter ces deux nouveaux titres qui j'espère vraiment leur plaire. Souvenir du run. Oui. Soit en enregistrement, soit comment il est né, soit une petite gimmick, un espèce de cocorico qui a été mis en musique. Voilà. Et moi juste ça, c'est parti. Quelle pureté, putain, il y a des mecs qui sont en train de bouffer, le verre a pété. Ferme les yeux et je m'imagine sur un nuage ou sur une île. Il y aurait du stress, je me laisserai aller au gré du vent. Pourquoi tu run, run, run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras l'enlay, you l'enlay, sous l'enlay. Nous, on a fait un petit medley avec 2-3 morceaux, justement 2-3 reprises si on cumulait des milliers de vues et des millions si on cumule ces 3 morceaux ensemble. Tiens, écoute et tu nous dis ce que t'en penses juste après. Ah ouais, Donia, celle-là. Ça s'appelle Donia. Mais ils refont carrément la prod, quoi. C'est dingue. Très oriental. Ouais. Bon, t'en connaissais 2 sur 3. 2 sur 3, vous voyez que je mentais pas. Hein ouais. C'est super bien produit, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Je suis bluffé. Ils reprennent les arrangements et ils ramènent des idées. Limite, on se dit merde, pour la scène, on pourrait les jouer comme ça aussi. Mmh. Donc, c'est vrai. Bravo. Indila, tu es prête? Yes. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. C'est parti en live maintenant. Dernière danse, Indila. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Vient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'envole, vole, vole, vole, vole. Je vole. Allez, on écoute cet extrait. Ok. Exclu total, apporté par Indila et Skalpovic. Le morceau qui s'appelle Mon fol amour. Mon fol amour, ici ou là, plein d'aventures, on se rencontrera. Ayant refait nos vies dans d'autres ouvrages, je revivrai les moments forts d'un passé mort sans toi.

Run Run à l'instant, c'est extrait de Mini World, l'album d'Indila qu'on découvre ou redécouvre avec la réédition le 17 novembre dans les bacs. Et sur cette réédition, deux titres inédits notamment. Oui. Des morceaux qu'on a commencé à découvrir hier soir, il y avait Feuille d'automne. Voilà, et ainsi bas La Vida. Alors hier soir, pour vous rappeler, si vous n'étiez pas là hier, quand on a passé cet extrait qui était vraiment très court, une minute, Scalp nous expliquait un petit peu justement le contexte et la naissance de ce morceau. C'est ça. Dans ta tête traînait une espèce de fanfare bulgare, non? Ouais. Un orchestre bulgare? Absolument. Une chorale. Une chorale. Exactement. Une chorale. Et hier, on n'avait pas le droit au bout de chorale. Et aujourd'hui, il paraîtrait que ce serait exceptionnel. Exactement, bah oui. Pour, donc on va plus loin dans pour aller dans le sens de l'interview, de la présentation de ce morceau, j'estimais que c'était pas assez bien présenté, donc voilà. Et alors, pour faire plaisir plutôt à Fred. Ah ouais, pour me faire plaisir. Bien sûr. On a réussi à gratter encore 40 secondes. C'est déjà, là, elle est pas mal. C'est pas une carotte, c'est une 49. Ouais, non une 49, c'est une ça. Une 49. Elle est 49. Hein, une 49, c'est parfait. On peut y aller. Balance-moi la carotte, s'il te plaît, Fab. Ça sort le 17 novembre. Un c'est bas La Vida. Un peu. Non, c'est bon, excuse-moi. Bah, La Vida, bah voilà, on a gratté un petit peu, Scalp. Voilà, ouais. C'est ça bien. Fait plaisir. On a eu la chorale par Indila. Voilà, la chorale par nos soins et. Par tes soins. Par ouais. Mes soins, hein? Oui. Aussi. Aussi, oui, accessoirement. Non, et puis un si bas La Vida, c'est ça, c'est. Alors, j'ai volontairement dit un si bas La Vida pour plusieurs raisons, en réalité. Déjà parce que je parle de cette vie, de ce bas monde-là. Mmh. Et aussi, je pensais, même si c'est pas la même écriture, même orthographe, mais battre la vie qui bat. D'accord. Qui bat comme un cœur qui bat. Comme un cœur qui bat. Et aussi ainsi bat La Vida au sens de battre qui te frappe, la vie qui te frappe. Mmh. Et dans ainsi bat La Vida, justement, je parle d'un jeune homme que les gens résument en il n'a rien, donc il n'est rien. Il n'est rien, ouais. Voilà. Et pourtant, enfin, ça n'a selon moi en tout cas aucun sens, puisque on peut ne pas avoir et être. On peut ne pas avoir et être. Il y a des gens qui sont très riches, qui ont tout ce qu'ils veulent, mais qui peuvent avoir des personnalités tout à fait insignifiantes. Donc voilà, ça résume pas tout. Et dans Si bas La Vida, c'est ce que je voulais mettre un peu en avant. Parce que t'as connu un moment justement, t'as l'impression d'être moins que rien. On te renvoyait cette image, alors pas maintenant forcément, mais il y a quelques années. Oui, oui, bien sûr. C'est un truc que t'as connu, toi. Oui, oui, oui, j'ai connu, mais je pense sincèrement, je l'ai connu. Mais je pense vraiment ne pas être la seule. Je pense que tous, à des moments donnés dans nos vies respectives, à échelles différentes, dans des contextes différents, on s'est tous à un moment donné senti petit, un peu trop peut-être. Ouais. D'où le morceau Ainsi bat La Vida, Ainsi bat La Vida, qu'on découvrira en intégralité le 17 novembre. Et puis pour ceux qui précommandent, allez-y. Il n'y aura pas que ça, il y aura un autre titre inédit, il y aura de l'image aussi également. Sur la réédition de l'album Mini World d'Indila. On met un morceau Indila? Oui. Lequel? Alors. Vas-y. On va, alors je choisis. Choisis. Oui, je pensais mettre SOS. SOS? Ouais. Allez, c'est parti, SOS, il y aura du live aussi tout à l'heure pour conclure ce Planète Rap. Également. Avec Indila, SOS tout de suite sur Skyrock. C'est... Avec nous toute la semaine et la dernière ce soir avec ce morceau qui s'appelle SOS. Ouais, la dernière. Sur l'album Mini World. Oui, exactement, SOS. Hein, c'est cette bouteille à la mer voilà. Jetée. Elle est revenue ou pas? Elle est revenue. Elle est revenue, elle est encore plus belle qu'avant. Magnifique. Indy, là, on va revenir dans un instant. On mettra un extrait du morceau Feuille d'automne pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Très bien. À découvrir, ce sera sur la réédition qui sort le 17 novembre. On fera une petite interview future aussi. C'est normal, c'est vendredi, on va parler du futur avec toi. Génial, ça me va. Dans quelques minutes, ne bougez pas. On revient après la pub, un petit morceau et on est de retour avec Indy là sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Indila. L'album s'appelle Mini World et la bonne nouvelle, c'est qu'il est réédité le 17 novembre avec des titres inédits. Dans quelques minutes, l'extrait de Feuilles d'automne. Ne bougez pas. Ça y est, Louis. Tu tournes dans les villes. C'est l'effet de la feuille. Ouais, je sais pas. Vas-y, un truc. C'est Marie-Jeanne avec nous entre 20 et 21 qu'on salue, qui a bossé beaucoup. Marie-Jeanne, oui, c'est vraiment. Oui, qu'on salue, qu'on adore. Un Marie-Jeanne, gros bisou. Ouais, c'est très, qui Marie-Jeanne d'ailleurs, parce qu'on on l'a pas dit, on en a parlé un petit peu cette semaine. Bah, en fait, c'est une personne que j'ai rencontrée en cherchant des arrangements de cordes. C'est une personne qui écrit pour des orchestres de différentes formations. Et donc, qui m'a appris énormément aussi en termes d'orchestration. J'ai pas mal évolué avec elle. En la voyant travailler, en travaillant avec elle, parce qu'elle m'a offert ce luxe d'être avec elle quand elle écrit les cordes. Et comme je le disais hier, Feuille d'automne, enfin, je suis très content, particulièrement d'avoir pu écrire pour la première fois les arrangements de cordes de cette chanson et tout ça dirigé par Marie-Jeanne, MJ. MJ. Marie-Jeanne, pour finir en beauté ce que vient de dire Scalp, Marie-Jeanne, c'est un peu la personnification du miel. C'est du miel sur deux pattes. Voilà. C'est très bizarre. Pas sûr que tu me fasses plaisir, mais écoute, Marie-Jeanne, du miel sur deux pattes, voilà, pour la présenter. Voilà, c'est une douceur, cette femme. Une petite douceur, donc elle a bossé évidemment avec vous aussi. Et elle a bossé aussi, elle a fait les cordes pour un grand nombre de classiques du rap à l'époque. DJ Mehdi travaillait beaucoup. Et c'est lui là, qui est la première personne qui m'a parlé de Marie-Jeanne, d'ailleurs, paix à son âme. Et elle a fait les chœurs sur Sniper, Tu es parti. Enfin, c'est. Si tu regardes sa discographie, enfin les projets sur lesquels elle a participé, tu te diras que ok, c'était pas par hasard. Diams, pareil, enfin voilà. Excellent. Une grande personne, une belle personne. Et désormais maintenant avec Indila sur le projet qui sort le 17 novembre. Oui. Avant de mettre un morceau, avant de passer l'extrait justement de Feuilles d'automne dans quelques minutes, avant de retrouver le freestyle par téléphone, j'avais dit une interview future avant la pub. Très bien. Donc interview future puisque c'est la dernière de la semaine. Avec toi, on va parler un petit peu du futur. D'accord. Mais avant, la première question, c'est replongeons-nous quelques années en arrière, Indila. Ah. Quand t'étais plutôt ado. Ok. Le futur, tu l'imaginais comment ? Ah oh là là. Il y a un an, je vous aurais dit autre chose. Je l'imaginais comme aujourd'hui, maintenant, c'est je vrai peux dire. Ouais. C'était cette envie de chanter de... Ah ouais. T'avais pas envie de faire autre chose ? Tu disais pas, bon, si ça marche pas dans la chanson. J'essayais de m'inventer autre chose, avocate, mais non, parce que pour, finalement, pour l'éthique, parce que je me dis, oui, mais s'il faut être avocate, faut être, on peut pas être juste, parfois on peut essayer de, défendre, une des personne causes. Qu'on soupçonne, ouais. Finalement, voilà, exactement. Donc, ça faisait plus partie de mon éthique, même si j'ai beaucoup de respect pour les avocats. Moi, je voulais être, à défaut, professeur d'école. J'adore enseigner, j'adore transmettre. Transmettre, ouais. Il y a la transmission. En tout cas, il y avait la transmission. Ouais, exactement. Maintenant, ça passe par la musique. Ça passe par la musique. Bon, toujours interview future. Replongeons-nous au mois de février 2014. D'accord. Au moment de la sortie de l'album, ouais. De Mini World, le futur, tu l'imaginais comment au moment de la sortie de cet album ? Tu le voyais comme. Pas du tout comme ça. Aujourd'hui ? Ah non, absolument pas. Non, surtout pas. Non, je m'attendais à rien. À rien, et au pire, moi, c'est une philosophie que j'ai de vie, c'est souvent de, pour ne pas être déçu, de minimiser les choses. Et je m'étais dit que vraiment, voilà, si ça arrivait à plaire à quelques personnes, ce serait déjà quelque chose de très très bien. Mais je m'imaginais pas du tout ça. Bah, on l'a dit en début de semaine, 600 000 albums vendus, hein, et encore, on n'a pas eu toutes les copies pirates. Pas même que la réédition est déjà sortie, hein, avec les extraits qu'on a passés. Ah oui, d'accord, je Romanie, apparemment. Parfois, ça va très très vite pour Indila. Mm. Bon, interview future pour conclure. Donc aujourd'hui, vendredi 7 novembre. Ouais. Le futur, tu le vois comment ? Je le vois, forcément fleuri. Je le vois fleuri, positif. Je sais très bien que dans ce milieu. Ce qui importe parfois aussi, c'est de durer, perdurer, je dirais même. Donc, je sais très bien que c'est pas gagné. Et c'est dur. Et aussi, je me dis que le véritable succès, c'est de rester soi-même, quoi qu'il arrive. Donc ça va être mon challenge jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que tu commences à avoir cette peur un petit peu qu'ont parfois les artistes ? Tout à l'heure, t'as évoqué Diams. Moi, je me souviens, on avait même fait un morceau qui s'appelait Feuille Blanche. Et voilà, c'est de se retrouver devant un album à faire. Oui. Et bah, de plus avoir d'inspi, de se dire bon. Je pense que c'est des sentiments qui sont tout à fait normaux et justifiés. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore ressenti. Mais bon, faut rester positif. Faut rester positif. Bon, et bah, la suite t'appartient. Oui. L'avenir t'appartient. Peut-être une tournée, en tout cas en 2015 ou dans. C'est ça. Dans les mois à venir. La réédition, surtout, ça, c'est le vrai futur, c'est le 17 novembre. 17 novembre. Un futur proche, puisque c'est dans une grosse semaine maintenant. Voilà. Et qu'on peut toujours précommander l'album. L'extrait de Feuille d'automne, ça arrive. On avait dit qu'on mettait un morceau juste avant oui, d'entrer le freestyler. Oui. C'est Love Story. Love Story. Très bien. Voilà, en sachant qu'on a enfin tourné le clip et fini. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un gros big up au réalisateur du clip Love Story, qui n'est autre que Karim Ouaret, pour qui j'ai un profond respect. Et ça arrive le 17 novembre. Voilà. Pareil que la réédition. Allez, on écoute maintenant Love Story sur Skyrock. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Debout, une rose à la main, non, non plus rien ne le tient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story. C'est la story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi et il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Thank you. Indila et Mini World et ce morceau, les images arrivent bientôt 17 novembre. Voilà. On verra si les images sont pareilles dans l'envolée lyrique. Rafraîchement. J'espère. À découvrir donc le 17 novembre le clip de Love Story, puis en attendant sur la réédition de l'album Mini World. Voilà. Dans quelques minutes, Feuille d'automne, on vous passe l'extrait. Ceux qui n'étaient pas là hier soir, vous allez pouvoir le découvrir dans un instant. Et juste avant, on est avec Buggy de Sartrouville. C'est bien ça? Allô, Buggy? Ouais. Buggy? Ouais, ouais, ouais. Ça va bien? Ouais, tranquille, et toi? Eh ben écoute, bienvenue dans le planète rap d'Indila. Skalpovic est là aussi. Salut. Tu es prêt à rapper, toi? T'es prêt à nous faire un freestyle dans l'émission? Ouais, un petit freestyle. Petit freestyle, tranquille. Rapide, court, efficace. Voilà. Pour bien commencer le week-end, c'est parti. Ouais. Okay. Ok, on m'a dit, Buggy, que t'as envie de faire ta vie, je sais pas. J'ai envie de paiera, on m'a dit, t'inquiète pas, ça paiera. J'ai pas une belle voix, juste une belle plume. Donc, nique l'opéra, nous on squatte le bitume. Putain, ce son c'est pas pour les jeux pour rata, des fils de cata. Ce son c'est pour les miens, ok. Nous c'est Sartrou, c'est le chef d'un trou. Donc, welcome to l'enfer, ouais, welcome to ma route. Nous c'était le foot, on volait à Carrefour. Le bitume, je te baisse ta mère, que j'en ai rien à foutre. Je crois que c'est sourcils, tu vénères là. Je retourne cette planète terre, c'est la guerre. À nous la place, à nous les thunes, à nous la gloire, à nous les passes. De toute façon la roue tourne, donc fais-nous la passe. Le terrain est plein de mines. Bim, bim, bim, moi je représente les Yvelines. La France, j'y ai grandi depuis tout petit. J'ai connu des hauts et des bas. Mais t'inquiète pas, Baba Rajoul Krafle Madrasa. Car je sais bien que c'est pour cela. C'est parti de Darbeda pour la fierté de la familia. Putain, le simple fait de pouvoir me met dans la capacité totale de vous décevoir. Mais c'est pas de ma faute si je rentrais tard le soir et que je suis obligé de battre en deux pour mes devoirs entre deux gros joints de deux. Et ouais, nous cousins, on est tous compétents dans le milieu de la triste réalité de nos banlieues. Une grosse somme d'argent, encore étudiant, une centre trafic international, Armani, Louis Gucci. Ouais, c'est que je vis grave. Un jour, un gros colis, c'était à Charles de Gaulle. J'ai fait me faire péter par la douane, putain, c'était chaud. J'ai fait me retrouver en cavale avec une amant avec les poules de 500 000 balles. On est plus présent dans le haram que dans le din. Allah est din, yo. On est plus présent dans le haram que dans le din. Yes. Buggy sur Skyrock. Buggy de Sartrouville à l'instant. Bien joué, mon pote. Bravo. Super. En plus, pas simple à prod. Rap game. Classique. Petit dédicace, petit message à passer. Rappelle-nous aussi les adresses internet où on peut te suivre, Buggy. Non, y a rien, on fait ça pour le plaisir. C'est et plus simple. Voilà, c'est comme ça. Eh bah, tu as bien raison. C'est très bien, voilà, c'est très bien. Ouais. Eh bah, merci à toi, Buggy. Et y a pas de souci, je peux passer une petite dédicace. Vas-y, on t'écoute, bien sûr. Petite dédicace à Chino, mon gars sûr. L'équipe Avesti, on est là. Grim, toi, Guiguerly, t'inquiète, ça retrouve vite le vieux pape. Y a rien. Merci. Merci à toi et à toute ton équipe Buggy à l'instant en freestyle dans Planète Rap sur Skyrock. Avant de se quitter, avant de passer au live, Indila. On avait promis le morceau Feuille d'automne, en tout cas un extrait de Feuille d'automne. C'est juste. Ça, c'est un extrait que vous retrouverez en intégralité sur la réédition de l'album. Feuille d'automne, le morceau à l'origine s'appelait Louis 2014. Et comprendre pourquoi dès le début, ça donne ça. Sous un seul cœur, je rêve une vie. Voilà, Feuille d'automne à l'instant, morceau. Et c'est pas toi qui fais la petite voix, Indy, là-dessus? Non, c'est pas moi qui fais la petite voix. C'est une petite demoiselle dont le nom est Dina. Et Dina. Donc j'ai fait appel à une petite chorale, voilà, une chorale pour faire les voix du refrain. Et il y a cette jeune fille qui s'est complètement démarquée et qui est sortie du lot. Et j'ai trouvé ça irrésistible. Et Scalpovic était du même avec moi. Donc en commun, on a choisi de la mettre vraiment en évidence et la refaire sortir davantage. Donc la petite Dina à qui on fait un bisou ce soir. On fait un gros bisou à la petite princesse. Feuille d'automne, ce sera sur la réédition et en intégralité. Voilà. Un morceau prometteur, en tout cas celui-ci. Hein. Ouais, sous un sol pleureur, je rêve d'une vie meilleure, mais il faut être fort, alors j'attends encore. C'est Chanson de l'espoir. Chanson de l'espoir d'Indila, et le 17 novembre dans les bacs, sur la réédition. Avant de passer au live, Indila, on met un dernier morceau dans l'émission? Eh bien, c'est une bonne idée. Lequel? Attention, c'est un choix important. Mmh. C'est un des tout derniers morceaux avant de te laisser filer. On se concerte quand même. Hein, ouais. Alors, toi tu dis ok, mini-roll. Ah bah mini-roll. C'est bien, c'est en même temps, voilà, mini-roll. Ah, les mini-roll à Planète Sushi, c'est quelque chose. Alors, tu as des parts d'occasion. Non mais c'est non mais tant qu'à faire. Enfin, un peu de pub. Merci. Ouais. Bah écoute, tu connais les mecs qui restent tard en studio qu'on commandait avant. Oui, exactement. Ah non, Planète Sushi, ça ferme à 23h. Ah ouais, t'es vrai que tous les horaires. Il y a autre chose, il y a Dentai, il y a voilà. Pour la nuit. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est vrai? Non, alors attends, c'est Itsushi. Itsushi. Itsushi, excellent. Voilà, By Night. By c'est Night. Pas ouais, c'est Itsushi pas mal. By Night. Voilà, pour tous ceux qui vont veiller tard, voilà. N'hésitez pas, c'était les bons conseils culinaires de Scalpovic. Allez, on met le morceau Mini World pour conclure Planète Rap, et puis juste après, il y a le live et la roulette qui va tourner. Ça marche. Mini world, mini, mini, ce mini, mini world, mini, mini, ce tranquille à dormir. Très concentré à chaque fois sur Minirol, hein. Ouais. Non, c'est concentré. Ouais, c'est vraiment une chanson qui apaise. Ah, mais qui m'apaise. Mmh, ouais. C'est vrai. C'est oui, c'est vraiment ce sont des notes de musique qui ont capturé un rêve. Moi, c'est vraiment comme ça que je le dis et que je le redis. Voilà, Mini World qui ressort donc le 17 novembre et qui évidemment ce morceau extrait de ton album Indila. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, est-ce que tu es prête maintenant pour le live? Dernier live du Planète Rap. Eh bien, allons-y. C'est quel morceau que tu nous fais? Eh bien, on va danser ensemble pour se dire au revoir. Donc, on va faire une dernière danse. Dernière danse, tout de suite en live avec Indila. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharnes-tu comme ça? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout commence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un point de miel. Je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'envole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Que d'espérance. Sur ce chemin, en ton absence, j'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide, vide de sens. Et je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, écoute comme mon cœur est immense. Je suis une enfant du monde et je remue le ciel le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, cette version, cette nouvelle version. Écoute, on vient d'improviser. Parfaite cette version. Super. Allez, on la met sur la réédition, 17 novembre. Terrible, merci en tout cas pour cette belle semaine, Indila. Merci, merci Fred, merci à toi, c'était juste merveilleux. Et bah pareil pour moi, avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Ok. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. Comment ça va Vanessa du côté de Marseille? Ça va, merci. Je te présente Indila, notre invitée cette semaine, Vanessa. Ça va. Ouais, ouais, ça va. Tout se passe bien. Tu as envie d'avoir des places pour Black M, Vanessa? Oui. Eh ben, c'est le moment jamais. On fait tourner dès que tu veux, tu dis stop. Stop. Eh ben voilà, c'est fait. Pour conclure et bien commencer le week-end, Vanessa, deux places pour le 21 novembre à Marseille. Génial. Allez, hop. Merci. Concert, gros concert de Black M, c'est pour toi, y aller deux places. Je te fais un bisou, Vanessa. Ça va, merci vous. Bonne soirée. Bisous, et donc Vanessa. Merci, merci Skalpovic qui était là tous les soirs. Merci à toi Indila. Merci beaucoup. Bonne chance Mini World, que le Mini World grandisse encore dès le 17 novembre. Merci beaucoup. Voilà, plein de belles aventures qui t'attendent. J'espère, mais je suis vraiment ravie, moi. Vraiment, je suis ravie. Je vis des trucs juste extraordinaires. J'ai eu l'honneur récemment de recevoir un prix aux Traces Urbaines. Oui, c'est vrai. Et je voulais juste dire que j'étais très touchée parce que c'est une symbolique qui est très forte pour moi. Parce que la musique urbaine, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. J'ai constaté que les artistes de la scène hip-hop, ils pouvaient pousser les limites encore plus loin. Je trouve ça intéressant parce que moi, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que j'ai envie de les encourager. J'ai envie de leur dire ne lâchez pas, continuez la musique urbaine, vraiment. Longue vie à la musique urbaine. Je voulais juste rappeler que certains, en fait, confondent malheureusement. Ils confondent ces artistes, ils confondent tout en estimant et en jugeant les artistes au prorata de leur niveau d'études. Et je pense qu'on peut être artiste et ne pas avoir fait de grandes écoles, voilà, parce qu'on n'a pas les moyens. Et puis même, j'ai envie de te dire, voilà, faut pas se mettre de limites. Si en effet vous nous écoutez, vous n'avez pas de diplôme, pas d'examen, alors tout le monde ne réussira pas dans la musique, mais il y a plein d'autres trucs à faire. Absolument. Et foncez, quoi, vous mettez pas de barrières. C'est ça. Et l'art, il vient de ce qu'on est, il ne vient pas de ce qu'on a. Voilà, l'art il vient de ce qu'on est, il vient pas de ce qu'on a. Je pense que je le répéterai jamais assez. L'art vient de nous, et donc ça on se doit soi-même. Et bon, on va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup Indila, je te fais un bisou, plein de bonnes choses pour la suite. Merci Skalpovic. Ok, c'est bon. Je suis boycotté. Ouais, boycotté. c'était vraiment formidable. On a revécu des choses avec toi, on t'a accompagné. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Merci. Partagez. L'aventure continue. On est là. Merci à toute l'équipe. Il y avait Greg donc à la guitare. Tommy Gibbs qui était là au clavier. Toujours là, Tommy Gibbs. Le pack et à la danse. Le pack l'homme à la de l'ombre. L'homme de l'ombre à la danse. Ah oui. Voilà. Et le spécialiste des chorégraphies. Et les dreamers pour nous écouter. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée. Bon week-end tout le monde. On va retrouver Tifoul maintenant et toute l'équipe. Et oui, Fredo. C'est parti. Salut, Indila. Indila qu'on retrouvera, j'espère, très vite. En tout cas, une belle semaine. Et une belle semaine qui va se terminer avec nous. Là, c'est parti pour la Radio Libre. Dans un instant, on se retrouve tous en direct. Toute l'équipe est là. Tiens, on a du drone à vous filer ce soir. Restez bien dans le coin. Bon, et puis la crime à écouter. On va démarrer avec la crime là tout de suite. Sinon, vous nous appelez 01 53 40 30 20. Vous nous laissez vos messages. Faites tout péter. On est là jusqu'à minuit en direct. 1500 euros tous les matins sur Skyrock.